On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour, Danny. Phil, Serge Savard, je viens de voir ça. Il a dit ça sur les ondes du 98.5. Je l'ai entendu ce matin au 91.9 à Montréal, mais il a dit ça sur les ondes du 98.5. Il a dit arrêtez de dire que Carey Price est le meilleur gardien de but au monde. Puis j'ai tendance à être d'accord avec lui. Carey Price, là, il a fait quoi? Et puis ça, je te l'ai dit, il a fait quoi dans les séries? Il fait de moins de 500. En série, il a été juste bon. Lui, il vise une réputation du Canada avec Gagné médaille d'or, mais n'importe. Moi, je me base sur le sondage qu'a donné les joueurs de Canada. Okay. C'est vraiment eux qui, je pense, sont en meilleure situation pour juger qui est le meilleur gardien de la Ligue nationale. Il joue contre lui. Et il est par deux longueurs d'avance sur tout le monde, là, selon le résultat des joueurs. Donc, moi, je pense pas que ça a été inventé, puis c'est pas. C'est pas Marc Bergevin. Ce sont les joueurs de la Ligue nationale qui disent que le meilleur gardien actuellement dans la Ligue nationale, c'est Carey Price. C'est pas moi, je l'ai pas affronté. Qui gagne pas en série puis qui obtient pas de résultats. Écoute, le Canadien est sûrement pas l'une des meilleures défensives de toute la Ligue nationale de hockey des dernières années. Regardons un peu puis soyons réalistes. Là. C'est pas une équipe qui a. Ils n'ont pas un Aussie à défendre, ils n'ont pas de Subban. Il y en avait un, mais il est plus là. Mais je regarde, hier soir, je regardais jouer Columbus, je regardais jouer certains clubs. Ils ont deux, trois défenseurs, un, deux et trois. Chez le Canadien, tu as peut-être un défenseur numéro un. Chez Weber, après ça, tu n'as pas de deux et trois. Non, je suis d'accord avec toi, tu n'as pas de gars pour transporter la rondelle. Puis les gens disent, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, non, mais ça, c'est pas grave. Là. Les gens disent que ça prend un joueur de centre à Montréal, mais as-tu vu les études qui ont été faites sur RDS? Je pense qu'il y a un columniste qui vient d'ESPN qui disait que avec toutes les études qu'ils ont faites, les Canadiens ont beaucoup plus besoin d'un défenseur pour transporter la rondelle qu'un joueur de centre. T'as-tu vu ça? Je dis toujours, moi, Danny, ouais. Le jeu part de la défensive. Ouais. Quand tu n'es pas capable de partir le jeu de ta zone, tu vas voir le meilleur joueur d'attaque au monde, et il ne part pas de ta zone. Je regarde Christopher Letang. La spécialité de Letang, c'est quoi? C'est de relancer l'attaque. Bon défenseur, il relance l'attaque. Ils sont capables de faire une bonne première passe. Puis je regardais jouer hier Samuel Girard. Quelle est la grande qualité de Samuel Girard? Il est capable de faire une bonne première passe. Et quand tu fais une bonne première passe, part le jeu. C'est exactement ce qui est arrivé hier. Deux fois, Samuel était sur la glace pour les buts du Colorado. Pourquoi? Parce qu'il a parti le jeu. Il n'y a pas de passe, mais c'est lui qui part le jeu. C'est lui qui relance l'attaque. Et à partir de là, si tu n'as pas de défenseur de ce calibre-là, malheureusement, c'est très difficile de je regardais Cloutier avec les Blues de Boston. C'est un bon jeune défenseur. Il relance l'attaque. Chara est un gars qui est capable de faire une bonne première passe. C'est la qualité des bonnes équipes. Les bonnes années de Chicago, ils avaient deux, trois bons défenseurs qui relançaient l'attaque. À partir de là, c'est vraiment facile pour les attaquants d'y aller. Même un joueur de centre, oui, on en veut un, puis oui, ça en prend un, mais toutes les études ont été faites que le Canadien a besoin d'un joueur de centre. Mais je reviens avec j'avais cette histoire du gardien de but. Tu te rappelles de Patrick Roy? Patrick Roy, quand il arrivait en série, il prenait les choses en main, puis ce que Carey Price ne fait pas. Mais il y a une chose, là. On est à Montréal, Coupe Stanley, as-tu gagné? Patrick? Ben, mettons que Patrick, il en a gagné deux. Il a gagné une à Montréal, puis il a-tu gagné une à Montréal? Il a gagné deux, Patrick Roy, à Montréal. Il a gagné au Colorado, ça, c'est sûr, là. Ouais. Mais écoute, il y avait Raymond Bourque, puis il avait toute une défensive devant lui, puis une grosse formation, là. Moi je dis toujours, quand Carey Price, en début d'année, les gens ont dit, ah, il a un mauvais caractère, il y avait ci, il y avait ça. Lui, il savait très bien, en début d'année, même si Marc Bergevin disait qu'il y a une meilleure défensive, quand tu perds Markov, tu perds Beaulieu, tu perds Emelin, puis tu n'as personne pour les remplacer, tu ne peux pas performer. Lui, il savait que ça allait être une saison difficile. Puis je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Puis moi je t'avoue que Price, je trouve que c'est un excellent gardien de but. Il est très bon autour de son filet. Mais comme tous les autres bons gardiens de but, ça prend une bonne défensive devant lui. C'est exactement. Tu sais, Pierre Brady, tout le monde dit que c'est un bon gardien, mais regardez la défensive qu'il y a devant lui. C'est le secret, là. C'est pas de compliqué, là. Ça te prend une bonne défensive pour bien faire paraître un gardien. Moi, je dis qu'un gardien de but, là, il vole 5 à 6 parties durant une saison complète. Ouais. Le reste du temps, il fallait les arrêter au bon moment. Et quand on parle de voler une partie, là, il va arriver 4 à 5 fois dans l'année qu'un gardien de but peut voler une match. Mais c'est pas ça qui fait que tu vas faire les séries ou pas, là. Comment t'as trouvé le point de presse du Canadien cette semaine? Moi, j'ai trouvé ça ridicule que. Écoute, quand Jeff Monson est rendu qu'il parle de bouffe, là. Moi, Jeff Monson, j'ai aimé son intervention quand Marc Bergevin était mal à l'aise pour répondre, il intervenait. Ouais. Il parlait de bouffe puis d'ambiance et tout, là. Je pense que c'était pas le temps de parler de ça, puis c'était pas la place. Ouais. Il voulait quand justifier le départ de Donald Beauchamp ou des choses comme ça. Moi, personnellement, je m'attendais à aucune déclaration, puis je te l'avais dit la semaine dernière. Marc Bergevin, là, il peut pas en parler. Il est dans une situation où il est pas pour dire qu'il va échanger tel joueur. Il se met en situation difficile s'il dit ça. Il dira pas qu'il va tester le joueur le marché des joueurs autonomes. Il n'a pas le droit de faire d'offres. Il n'a pas le droit non plus de parler des noms puis suggérer des noms. Donc, je m'attendais pas à d'autres choses qui étaient dites là. La seule chose, moi, honnêtement, les seules choses que j'ai trouvées qui étaient peut-être un peu plus impliquantes, c'est Jeff Monson qui l'a dit. Il y a du ceux qui ont un mauvais climat dans le vestiaire, ils vont changer de camp. Encore là, c'est tout facile de dire ça. Mettons, demain matin, on dit que Carey Price est mauvais au niveau de l'ambiance dans le vestiaire. À 10 millions, c'est qui va le prendre? Non, non. Hein? Et chez Weber, à 8 millions, là, c'est qui va le prendre? Et Pacioretty, là, Pacioretty, pas pire parce qu'il n'y a pas un gros contrat, mais c'est un marqueur de 40 buts. Il a connu une saison ordinaire. Mais des marqueurs de 40 buts, là, il y a bien dans le national, là, qui traîne des corridors. Sauf que je suis pas sûr que. Je pense qu'il va partir, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que dans le cas de Pacioretty, je suis pas sûr qu'il va signer à Montréal, puis. Il va jouer à Toronto de bord. Si tu veux des bons joueurs, si tu veux faire une transaction importante, il faut que tu donnes quelque chose en tour. Tu peux pas prendre un joueur de quatrième trio pour obtenir un joueur de premier trio, là. Ouais. Moi, je suis convaincu que Pacioretty, si un club pense que. Ils ont besoin d'un marqueur de 35-40 buts. Mais je me dis, demain matin, si tu l'échanges, là, j'espère que tu as quelqu'un qui va prendre sa place. Là. Pas compliqué, mais d'accord, Pacioretty, là, il a joué avec un seul bon centre depuis 5-6 ans à Montréal. Il s'appelle David Desharnais. Ouais. On a trouvé le moyen de le mettre dehors. Ouais. Pacioretty, c'est pas compliqué. C'est un centre qui a obtenu vraiment, qui lui a fourni des passes pour marquer des buts. C'est un Phil Kessel, Pacioretty. Oui, exact. Mais c'est il est bon, mais il faut qu'il soit bien entouré. Ben, il est bon parce que t'as Malkin puis Crosby. L'équipe ne se fie pas sur lui. C'est ça que je te dis, là, il est bien entouré, là. Tu sais, j'en regarde à Chicago, là, dans 3-4 des bons attaquants, là, Patrick Kane, ces jours-là et tout. McKinnon, cette année, qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour? J'ai écouté une entrevue de lui, il a dit, hey, cette année, là, je suis bien entouré. De Scott, puis l'autre joueur qui était joué avec lui. À ce moment-là, ça performe quand t'es bien entouré. Moi, j'ai joué au hockey, là. J'étais un marqueur. Mais si j'avais pas de bon joueur de centre, me mettre la rondelle sur la palette, là, je peux pas Moi, j'étais pas un gars de transporteur à rondelle. J'étais le gars qui marquait des buts. Donc, à ce moment-là, ça prend un joueur de centre qui fait le jeu, qui transporte la rondelle. Ouais. Si t'as pas ça, malheureusement, tu peux pas marquer de but à 80 pieds du net. Ouais, ouais. Hey, en terminant, Phil, les séries, comment tu vois ça? Moi, les Penguins de Pittsburgh, c'est sûr, c'est mon équipe préférée après le Canadien. C'est une équipe qui, écoute, qui savent gagner. Puis quand t'as Sidney Crosby, c'est comme une équipe que Tom Brady puis LeBron James. Puis dans le cas de Pittsburgh, ils ont Crosby, ils ont Malkin, ils ont Letang, Holmquist, ils ont Murray dans le filet qui a fait ses preuves. Ils ont gagné. Donc, une équipe que tu peux pas éliminer du jour au lendemain. C'est la même chose pour Nashville qui, eux, l'année passée, est allé jusqu'en finale. Ils sont de bons joueurs, bons gardiens, bonne défensive. La bonne attaque, donc il faut les considérer. Tu sais, tu peux pas du jour au lendemain te développer une équipe avec de l'attaque quand tu n'as pas eu durant la saison. Donc, moi, personnellement, faut considérer Pittsburgh, faut considérer Nashville, puis Washington, ils n'ont pas gagné les dernières années, puis ils ne gagneront pas plus cette année. Ben, il y a un problème devant le filet aussi. Là. Donc, à ce moment-là, c'est toujours ça. Moi, je pense que, honnêtement, Tampa Bay, il ne faut pas les négliger. Boston, une équipe qui sait gagner, des bons joueurs, ils ont des vétérans, il y a un bon mix de jeunes joueurs, donc il faut les regarder aller. Mais je pense pas que demain matin, il va y avoir une surprise tout à fait extraordinaire. Exemple, Colorado, hier, c'était 2-2 à un certain moment dans le match. Ouais. Mais tu voyais le match, plus il avançait, tu voyais bien que l'autre équipe là, contrôlait la rencontre, il lançait ses filets, il était toujours dans l'autre zone. Tu peux pas gagner des matchs en jouant toujours dans ta zone. Non. Dans l'autre zone, c'est exactement ce qui se produit avec des bonnes équipes. Ouais. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. Commandeur de filet gagné.